Je pense à toi, passe les jours, vie de sillon, dans mais sans amour, passe ma chance, tourne les vents, reste l'absence, obstinée. Je te laisse la main si tu veux. C'est juste pour tester, pour voir ce que ça donne. C'est intéressant, hein? Je voulais t'écrire que t'inquiète pour Reaper. Tu sais, Reaper, je l'ai, alors je peux chanter sur Reaper. Je peux enregistrer une voix dessus. Donc voilà. Après, je verrai bien comment il fonctionne. On le voit, c'est ça? Bon, ok. Ouais, t'as l'air d'avoir des beaux sons dedans. Tu entends, j'ai mes gamins là qui parlent en même temps, c'est incroyable.